Devine qui, George Arteron. Et devant une gueuse un peu tard dans l'après-midi, George Arteron. Connu à Guéret jusqu'aux îles d'Hawaï, George Arteron. On danse la bourrée, la lambada et le funky avec George Arteron. C'est un bon menuisier, c'est même le roi de la parlo. Son accordéon, on deviendra premier au top. Ça sème, ça sème, ça sème, ça sème, toi, pour ne pas nous piquer l'argent que l'on te doit. Ça sème, ça sème, ça sème, ça sème, toi, et nous devenir les rois du top 50 creusois. Ça sème, ça sème, ça sème, ça sème, toi, ne crois-tu pas que nous avons aussi le droit de nous abriter quelques jours sous ton toit. Oh, ça sème, ça sème, ouvre-toi. Le jour le plus beau, c'est lorsque nous t'avons connu. Folklore logique, toute cette musique, ça nous a plu. On s'est dit ce gars-là, il va nous pondre un truc extra. Il va voir qu'un jour il va passer à l'Olympia. N'oublie pas ce jour-là, un jour on sera avec toi. Qu'est-ce que toi qui fera briller tout le pays creusois. Oh, ça sème, ça sème, ça sème, ferme-toi, pour ne pas nous piquer l'argent que l'on te doit. Ça sème, ça sème, ça sème pour toi, fais-nous devenir les rois du top 50 creusois. Ça sème, ça sème, ça sème pour toi, ne crois-tu pas que nous avons aussi le droit de nous abriter quelques jours sous ton toit. Oh, ça sème, ouvre-toi. Ça sème, ça sème, ferme-toi, pour ne pas nous piquer l'argent que l'on te doit. Ça sème, ça sème, ça sème, ouvre-toi, et nous devenir les rois du top 50 creusois. Ça sème, ça sème, ça sème, ouvre-toi, ne crois-tu pas que nous avons aussi le droit de nous abriter quelques jours sous ton toit. Oh, ça sème, ouvre-toi.